Laisse faire tes belles paroles, moi j'en ai ben ras-le-bol. Des cognes y'en a partout, mais toi c'est vraiment juste au four. J'ai monté ma pression, faut que je fasse attention. M'attacher comme un con, faut que je retienne la leçon. T'as voulu me désirer, fait que là je t'ai demandé si t'étais marié, des graines t'en as fourré l'an dernier. J'dis pas ça pour te faire chier, mais là j'en ai plus cassé. Faudra que tu comprennes que tous tes textes ça valait pas de la peine. Je veux garder ce putain, c'est bien que moi pas plomb. Mais tes examens entre tes mots, c'est bien trop bien de bon. Ton rêve c'est plus riche des cœurs, moi j'suis ton gars d'honneur. Si j'étais pas bien baisé, t'aurais pas dû me niaiser. Ton petit ange parfait, il est bien enfoui dans ta tête. Tu te crées un nom, oui, chier, j'avais raison. J'étais pour faire, faites confiance, mais t'as brisé ta chance. La prochaine fois, tu viens me parler, crie-moi que tu vas le regretter. Sans qu'il me démange, faut tout le temps que je me venge. Après moi-même, je me fais bien mal, dans ma tête, c'est tourne, c'est bien sale. Je suis le trip de l'alcool, putain, je m'en ramasse au sol. J'en ai plein le cas de me demander pourquoi j'en ai plein ras-le-bol. C'est le trip de ma vie, là je suis parti. Dans un univers infini, fini, les cours, j'prends plus de répit. La colère s'en perd de moi, toi tu s'en penses quoi? De 1 en 10, si tu t'en crises de moi, un bol, il faut que je le pisse. Des crises de panique, ça, ça me pique. Viens me chercher en dedans, au plus profond, mes bas blancs. Là, c'est l'heure de décider, tu vas oublier les souvenirs qui s'empêchent de toi. Chris, là, c'est pas moi. Un jour, tu vas te lever, puis tu vas te dire, là, c'est assez. Pis si t'as besoin encore de moi, peut-être tu vas pas être intéressé. Peut-être tu vas pas être intéressé. Yeah, intéressé.